Qu'aurons-nous préparé cette semaine à réanimation? Eh bien, rien. Non, rien, absolument rien. À l'exception du métal le plus métal, des commentaires déplacés et inutiles, des publicités et aussi les tentatives désespérées de Sinistrose de prononcer quelques mots audibles ayant une suite logique. Voilà ce qui vous attend pendant les deux prochaines heures. Rien, vraiment rien qui mérite votre attention. Mis à part que c'est le contenu de réanimation The Undead Incorporated Show. Vétéran du métal assez fou, ce qui n'est pas rien, bande de ridicules, résidus de rien du tout. Voici donc réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant lorsque, en notre compagnie, il ne devrait rien vous arriver, rien de bon. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon fucking said so. Go. Yeah! Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 février de l'an de disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et une fois de plus, telle une tache de graisse sur une nappe, c'est incrusté Sinistros. C'est chien pour la nappe, ça. C'est très chien pour la nappe. C'est épouvantable, me traiter de nappe. Initialement, j'aurais eu une comparaison qui aurait été encore plus vache, mais pour toi. Mais je me suis retenu parce que dans le fond, faut pas que je te meurtrisse autre mesure. Ben, donc, t'es pas habitué à ça, toi, de bord. Non, mais j'ai pris une résolution cette année. C'est d'être. Il y a les plus rough que d'habitude? Non, c'est d'être pire. Mais pire, soit en mollesse ou en dureté. Ah. Donc, ben, j'ai une ambivalence. OK, bien sûr. Extrême gauche, extrême droite. Finalement. Et que, oui, jamais de centre. Non. Comment vas-tu? C'est pas pire, ça a bien l'allure. Ouais. Oui. Ah! Oui. Qu'est-ce que tu portes ce soir comme t-shirt? Qu'est-ce que je porte? Là? Pas grand-chose, un chandail de Gurlot. De Gurlot? Ouais. OK. Non, parce que des fois, t'arrives ça. Mais comment ça t'as pas mis ton jet de Triptychon? Parce que je l'ai mis samedi pour aller voir un spectacle. Ah, t'es allé voir des marionnettes? Oui. Puis? Ben, c'était des très, très belles marionnettes. Un très bon spectacle de marionnettes. Ouais. Ben, tu vas nous en reparler un peu plus tard. Bien oui, on va faire une belle review de marionnettes. Ça va être très bon. De marionnettistes ensanglantés. Oui. On vient d'entendre un très court bloc de trois pièces. Pour la raison qui suit, c'est qu'on a énormément de trucs ce soir. C'est-tu un des plus courts blocs de l'histoire de réanimation? Non, il y a déjà eu un bloc d'une seule pièce. Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, effectivement. Une pièce de 30 minutes, là, mais... un bloc. Non, c'était, il y a déjà eu une seule pièce, puis on entre en nombre immédiatement. Ben, je pense qu'on l'a fait pour... au début janvier, là, pour nos revues 2010. C'est possible. Oui, oui, quelque chose du genre. Bref, ce court bloc était constitué de ce qui suit à l'instant. Misery Index est la pièce de Spectator que l'on retrouve sur le dernier album Here's to Tivry. Tivry? Hey, tu vas me faire aimer le Death éventuellement, toi. Ah, c'est mon but, mon ami, c'est mon but. T'es bien parti. Ben, ça, c'est correct, ça. C'est comme le principe du brainstorming, comme dans Clockwork Orange. Ouais, ça va être les yeux ouverts. Ouais, c'est ça. Sauf que lui, à la fin, il y avait des réactions un petit peu violentes, là, mais bon. Ah, c'est pas ça le but? Ben, des réactions violentes, oui, mais autant que possible, pas ici. Okay. Tu peux faire ce que tu veux en dehors. Là. Je te laisse à ta discrétion. Donc, Misery Index était paru en 2010 sur Relapse Record. Juste auparavant, nous avions... je me plais à dire que c'est une des odes. Pas une des odes, mais bien une des pièces fétiches de réanimation, la pièce de Napalm Death. Non, c'est faux. La pièce de Slaughter... Formation torontoise, reprise par Napalm Death. Ah, ça rentre, ça, c'est vraiment un cool. C'est petit côté old school hardcore que je rentre. Absolument. Là, Incinerator, que l'on retrouve sur Leaders Not Followers, volume 1, qui est paru en 1999 sur Dreamcatcher. Et nous avons ouvert avec une pièce pour John Supper, une demande spéciale qu'il nous avait fait la semaine dernière. Une pièce de Venomous Concept, qui se veut une forme de... Je sais pas si c'est un side project, ou je sais pas si c'est un band vraiment proprement dit. Ils ont quand même quelques albums à leur actif qui mettent entre autres des gens du gang de Nuclear Assault et du gang de Napalm Death. De Napalm Death et aussi de. Je l'ai dit tout à l'heure, là. Oui, on s'en souvient. Ça m'a pris une demi-heure à m'en rappeler, là. C'est niaiseux, ça. Oh, ça Brutal va, Truth. Brutal Truth. Bon, voilà. La pièce est en Water Cooler que l'on retrouve sur Poison Apple qui est paru en 2008 sur Century Media. Comme on a beaucoup de stock et qui ce qui va suivre à l'instant quand même pour deux pièces une durée de 22 minutes 19 secondes, ce qui est pas rien. On va c'est pour ça que le premier bloc était pas d'une durée d'une vingtaine de minutes comme à l'habitude. Écoute, j'ai trouvé quelque chose de vraiment, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est notre ami Pierre de Metal Punk qui a réussi à mettre la main dessus pour moi, mais avoue que c'est vraiment beau, ça, c'est vraiment c'est cool, hallucinant. Il s'agit de l'album Legend of the Damned, Cult of the Dead, mais cette fois-ci, je dirais pas. Ça doit avoir 4 pouces d'épaisse, c'est incroyable. C'est même pas un digipack, cette histoire-là, c'est une Bible. Non, c'est un gros livre, là. Mais c'est vraiment hot parce que ça comporte 3 disques à l'intérieur, c'est-à-dire le disque studio de Cult of the Dead, l'album Live at Rock Hard en 2006 et le DVD Cult of the Dead. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Une superbe présentation. La pochette est vraiment hallucinante. Je dois dire que je vais sûrement le mettre en vue chez moi. Ouais, ben c'est beau, c'est une très belle pièce. Très, très belle pièce. Donc, peut-être que, je sais pas, là, je l'ai mis tellement C'est quasiment gros comme les anciens CD doubles qui sortaient, là. Écoute, Sinistro, ça doit avoir... avoir un pouce et demi facile. Ben, au moins un pouce. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est vraiment hâte. Je l'ai envie de te le montrer. Je pense pas, ben, je crois pas en passer ce soir. On aura vraiment pas le temps, mais anyway. Tout d'un coup, tout d'un coup. Ce n'est que partie remise. Mais bref, ce soir, je veux présenter deux pièces du dernier album de Project 8 1999, formation suédoise. L'album étant Blading the New Apocalypse. J'ai dit deux pièces parce que ça dure quand même 22 minutes, là. Je l'ai pas écouté encore. Vraiment un album excellent. Et, j'ai retenu aussi trois pièces qui sont tirées du dernier album de Neuraxis, formation montréalaise, l'album étant Zylon, qui est paru le 15, la semaine dernière. Donc, finalement, je suis pas très, très gêné de présenter un seul album ce soir. Non. Ben, écoute, habituellement, c'est toi qui en présente deux, là. Ouais, mais là, c'est parce que, mettons, qu'il y en a un des deux que j'étais censé présenter, qu'il s'est relégué à la filière 13. Oui, et puis, explique donc pour quelle raison. Parce que, je m'attendais à quelque chose de plus solide, disons, c'est à la formation ontarienne Cauldron, et avec son dernier album, dont j'ai carrément oublié le titre, puis c'est tant mieux comme ça. Musicalement, ça part très bien. Quand il se met à chanter, ça fait « Hey non, tu vas pas me niaiser de même tout le long, là. » Et oui. Et oui, malheureusement, quand la deuxième pièce embarque, c'est vraiment comme du traditionnel heavy metal, la belle petite toune mielleuse, puis moi j'ai décroché après trois tounes, je dis « Mange de la merde, puis... » Oui. Comme dirait les rectums, mange la marde, puis va donc chier. C'est en plein ça. Ouais, je te comprends, parce que j'ai énormément de misère. J'ai remis ça dans le case, et le case, il a pris le bord du tiroir numéro 13. Salut, bye, Yann, non. Forgotten Files. Oui. Ouais. Non, je te comprends, j'ai énormément de misère, moi aussi, avec ce type de vocal-là. Puis je trouve c'est poche, hein, parce que... Parce que c'est un peu musical... nasillant, un peu... Ouais. Hey. Puis des fois, là, ça massacre une bonne musique. Ben, c'est ça, parce que musicalement parlant, s'il y aurait un vocal un peu plus, ça serait très bon. Mais non, il y a une voix. On dirait que c'est pogné le zipper à quelque part, là, regarde. Ou c'est pogné quelque chose dans le zipper. Ou il y a peut-être des culottes trop serrées, justement, regarde. Mais toi, des culottes de yo, tu vas peut-être bien chanter un peu plus gras, là. Bon, eh bien, il est, sans plus attendre, avec une pièce de la première pièce qui a 11 minutes 59. On va aller tout de suite attaquer la première pièce que je. Vous passe ce soir de Project 8 1999 qui s'intitule Donnez-moi des roses de l'été. Donnez-moi des roses, non. Non, They Shall All Be Witness. C'est tiré de l'album Blading the New Apocalypse. Je vous fais grâce du titre. Victrice. Ouais, quand dure une semaine de temps, là. C'est paru en 2011, en fait, la semaine dernière, le 14 précisément, sur Seasons of the Mist. Donc, on se retrouve après cette première pièce-là parce qu'on va en intermettre de pause une. Ben, publicitaire, voilà. OK. Ben, allons-y. Bye, go!

Well, 21h47 et j'ai encore arraché le bouton de la console. C'est même pas le même. Non, c'est vrai, mais je l'ai encore. Canary. Anyway. Donc, je disais 21h47 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation sur les ondes du 89.1 FM, c'est fouille. Et seigneur, ça faisait professionnel ton affaire. Qu'est-ce que tu penses de moi? Même toi? Le corbeau riait de toi. Ouais. Et la clownerie que vous attendez à côté de moi, c'est un pseudo semblant de peut-être en devenir co-animateur. Un wannabe co-animateur. Oui, wannabe, oui. Pas mal australien, ça. vous venez entendre deux pièces tirées du dernier album de Project Hat. Oh, putain, le projet Chapeau. Ouais, projet Chapeau, 1999. Oui. Ah, putain, mais c'est de la bombe ton truc. Bah, je peux te dire, mon ami, que honnêtement, ça arrache. Ça arrache, ça arrache. Ils vont faire un carton avec ce un truc. Tabac, tout un sacré tabac. Oh, oui. Project Hat 1999, formation suédoise qui existe depuis 1998. Que vu quelques différents, ben en fait, non, je dirais quelques métamorphoses dans son line-up, comme le vocal féminin que vous avez entendu est celui de Ruby Roque. Et initialement, c'était celui de Mia Stahl, qui était là jusqu'en 2002. C'est une formation qui compte dans ses rangs, entre autres, Jörgen Sandström, qui est le chanteur principal, que vous avez peut-être déjà connu dans la formation Entombed, mais il y a cela des temps immémoraux. Et aussi dans une formation que, en fait, avec laquelle il était un peu plus récemment, le Grave. Grave. Ouais. L'instigateur est Lord Kent Phillipson, qui est vraiment le compositeur principal, qui s'occupe des guitares, des claviers, du programming. Même il participe à certains chorus. Et c'est une formation qui est typiquement dette industrielle à forte tendance gothique. Oh oui, ben c'est très intéressant. Moi, j'aime énormément. J'aime le premier album, du premier album au dernier. Les premiers albums sont un peu plus destroy. Il y a moins de finesse dedans un peu, mais sont très intéressants quand même. Il n'y a jamais eu vraiment de vrai drummer dans cette formation-là. Donc, on vient d'entendre à l'instant même de Serpent Crawling Ritual, que l'on retrouve sur Bleeding the New Apocalypse, qui est paru en 2011 sur Seasons of Mist. Et juste auparavant, soit avant la publicité, They Shall All Be Witness, tiré du même album, sont respectivement les pièces 2 et 5 de l'album. L'album qui comporte 6 pièces et qui, je dis... Vite fait comme ça, il me semble qu'il dure quelque chose comme pratiquement 70 minutes. C'est ça le monde de la dire, 6 pièces pour 68 minutes. Là. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup de bonne musique. Donc, c'est un album qu'on peut mettre, puis on peut facilement là, attendre pratiquement, là, je dirais, une bonne heure facile et plus avant de se relever, avant de, j'allais pas dire changer de côté, parce que c'est pas un vinyle, là, mais de changer d'album. Ben, en fait, je crois qu'ils sortent en vinyle aussi, d'ailleurs. Oh, ça serait bon à se procurer. Pour pouvoir arriver dans le temps, ben, ça va être un vinyle quadruple. Ben, c'est ça. Ce sera même pas un double 180 grammes, ça va être quadruple. Effectivement. Une tourne par côté. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, ben, les tours vous font foutre. C'est pas de la polka, c'est du métal. C'est cela. Côté spectacle, qui sont amenés directement ici même dans la région de Trois-Rivières et à Trois-Rivières. Donc, samedi, c'était la semaine dernière, ça? T'es allé voir, toi, ça? Ben, justement, je vais en parler après ton petit topo. D'accord. De... Ce samedi-ci, soit le 26, au Rockefeller Stage, 3e Metal présente Orfiction, Vortex, Calter et Immersed. C'est à 19h30, c'est au coût de 10$ et c'est pour tous. Et on vous rappelle que le 3e Metal Fest 11e édition se tiendra cette année les vendredis 14 octobre et samedi 15 octobre. À la bâtisse industrielle, les détails seront à venir, bien entendu, puisqu'il est encore très tôt pour avoir tout ce qui sera des formations et des cours attachés à ça. Mais ça se tiendra, ça se tiendra. Donc, Sinistros est allé ce samedi dernier à l'Acrobar, aller voir les formations Beyond Atrocity, Corpus, My Fatality et Cold Insanity. Ben oui, c'était dans le cadre du Sherbrooke Assault, genre le mini-tournée qui est organisé par la gentille demoiselle chanteuse de My Fatality. C'est l'édition trifluvienne comportait donc trois bands de Sherbrooke et un band de Trois-Rivières. C'est quatre excellents bands. Tu sais, ça arrive des fois, tu vas voir des shows où ce qu'il y en a un de la gang ou deux de la gang, que c'est comme plus ou moins. Ouais, que ben c'est, ouais. Là, pas en tout, c'était réellement quatre bandes de qualité, quatre bandes différents. Le show a débuté avec, premièrement, l'Acrobar. C'est une très belle petite salle, très propre, très clean, où le son est très bon. C'est pas trop fort, c'est cool. Okay. C'est vraiment une belle petite place. Là. C'est sûr qu'il ne rentre pas 300 personnes là-dedans, là, mais c'est juste assez. Quand d'après toi, il peut rentrer combien, le jam-pack? D'après moi, je pense que j'ai entendu dire que c'est 75. Okay. Comme le permis, 75 à peu près. Okay. 75, t'es pas trop collé. Là. Mm-hmm. On peut pas te dire combien qu'on était dans la place. Là, mais tu les as pas comptés, toi? C'est parce qu'à un moment donné, j'arrête de compter. T'as arrêté à deux, toi? C'est parce que je sais pas, je pourrais me rendre plus loin. Ah, c'est vrai. il compte les deux mains dans les poches, puis il arrive tout le temps à 11. C'est ça. C'est en plein, ça. J'ai bien du petit change. finalement, ce qui était inclus sur l'affiche, ils ont tout reviré ça de bord le soir même. Fait que le spectacle a commencé avec My Fatality. My Fatality, qui sont originalement avec deux guitaristes, mais il manquait un guitariste ce soir-là. Pour une raison très particulière et très, très, très triste, c'est que le guitariste en question qui était pas là, il a perdu son bébé 3 mois la semaine dernière. Ah, c'est poche. Ouais, on devrait pas enterrer nos enfants, ça, c'est comme c'est vraiment très poche, plate. Ouais. Fait que mes sympathies à la famille et oui, tout à fait. À toute la gang de My Fatality. Ils ont donné un spectacle très enlevant. C'est un style Black Death. Avec une demoiselle qui beugle, mais qui beugle pas à peu près. Là. Ça rentre au poste. Justement, la semaine prochaine, je présente leur mini-album ici même. On va voir que ça déménage. Ça, très fort. On va être un petit band à surveiller, ça. D'accord. C'était suivi de Corpius, autre formation de Sherbrooke, qui fait un Black Death assez technique. Il y a des bouts, ça me faisait penser à certaines passes à la Soul Scar, des bouts opettes, des bouts, c'est des pièces assez longues, très techniques, mais tu sais, pas techniques qui rentrent dans la sommatoire où ce que t'entends rien, où ce que t'es pas capable de distinguer c'est quoi, là. D'excellents riffs, c'est solide, ils jouent avec un clic. Fait que ça veut dire qu'ils startent le clic, puis il y a comme des genres d'intermèdes entre les tunes. Fait qu'un coup que le show est parti, c'est ça que le chanteur m'expliquait. Il t'arrête pas. Il dit tu joues puis t'arrêtes pas. Autre formation à surveiller énormément. Ils vont sortir leur album le 1er avril prochain. Album que dès que je reçois, on fait un spécial ici même à réanimation. Ça va être à surveiller en 2011. C'était suivi de Call Insanity qui nous offre un hardcore death in your face. Okay. Ça rentre, c'est t'as le goût de te garocher de partout, mais vu que je suis trop vieux, moi je me contentais de sourire et de regarder le spectacle. De peur de s'émietter les os. Ben oui, mais c'est parce que rendu, on a plus 20 ans, mettons. Hein, fait qu'on se tient en retrait un petit peu puis on apprécie ce qui se passe en avant. Non, le chanteur a une très bonne présence, les musiciens ont très très, très bonne présence. C'est très solide, très tight et d'excellentes pièces. Petit bémol pour le band, parle pas trop entre tes tunes. C'est la seule affaire, je peux dire, parce que ça vient long, à un moment donné. OK. Oui, en fait, on veut peut-être pas savoir leur vie. Il y a coupe dans le gras, un peu. Ouais. Là, à l'essentiel. Oui, c'est sûr. C'est en plein ça. Puis, on a terminé le spectacle avec la formation tripluvienne Beyond Atrocity, qui, ma foi, nous offre un style musical assez rocambolesque. Oui, très rocambolesque. On a du métal, on a du jazz, on a du même par bout du hip-hop dans le tune. C'est assez flyé, des bonnes tunes, c'est parfois progressif. J'ai entendu des influences de Muse, de Opeth, un paquet de bandes là-dedans. C'est à surveiller également, qui sortent leur album le 2 avril prochain et on les aura en entrevue ici même à réanimation dans quelques semaines pour le lancement de l'album. Bon. Fait que c'était... Ah, autre petit bémol aussi. Ça va être au promoteur à surveiller ça. Je sais pas si c'est le même dans tous ces spectacles, mais 15-20 minutes en chaque band, c'est crissement trop long, surtout quand les bands ils jouent tous le même drum. Ouais. Ça peut-être améliorer ça légèrement. Ouais, ça peut être un petit peu achalant. Parce que ça vient emmerdant à un moment donné. Ben, c'est parce que tu perds le mood de ta crowd. C'est en plein ça. Ben ouais. Les gens ont tendance à décrocher, puis bon, faut que tu battes le fer quand il est chaud. Oui, puis faut-tu battre ton frère quand il est fou? Aussi. Ben, moi, j'en ai pas, fait que je vais me revenger fait sur que toi. C'était ça. Fait que la semaine prochaine, on présente les mini-albums de My Fatality et de Cold Insanity. Et dans les semaines qui suivront, ben, ce sera les albums de Corpius et de Beyond Atrocity. C'est excellent, ça, mon cher. C'est excellent, mon cher Sinistros. Tant qu'à moi, la semaine prochaine, je me propose de ne passer que du trash metal. Que ouais, du trash. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Deux blocs consacrés uniquement au trash metal d'hier, d'aujourd'hui et de présentement. C'est bien ça. Hier, aujourd'hui, présentement, c'est pas mal pareil. Ben, c'est pas grave. Ça a dû repasser du trash de demain, là, mais bon. Ah, ben là, tu sais pas encore. Raconte pas de calabistrouille, toi, là. Calabistrouille. Côté spectacle à l'extérieur, soit à Montréal, demain, c'est Dayside, que on aura entendu la semaine dernière, ici même, à réanimation, avec l'album To Hell With God. Excellent album. Sont accompagnés de Blackguard, Neuraxis, justement, qu'on entendra tout à l'heure. Et Pathology, il en coûtera 25$ et 30$, taxes incluses pour y assister. C'est au Café Campus. Les billets sont disponibles via admission et le spectacle débute à 19h. Ce jeudi, c'est Fan Troll, Inciferum, Rotten Sound et Baron Hearth au Metropolis. C'est à 19h au coût de 26, 58 et 31,1 plus taxes. Les billets sont disponibles via Ticketmaster. C'est pour tous. Puis là, je ne sais plus si je vais y être ou non. Par contre, ça, je me propose vraiment d'y aller. Ben, ça me tente pas mal aussi. Mardi 15 mars, au Petit Campus, c'est, en fait, semble-t-il que ce n'est plus Rotting Christ et Melekesh, mais bien Melekesh et Rotting Christ en compagnie de Hate, Abigail Williams et Licorice Nocturne. En tout cas, c'est dans la nuit noire. Ouais, noire. Donc, c'est le mardi 15 mars à 18h. C'est au Petit Campus au coût de 22$ et 27$, taxes incluses. C'est disponible via admission. Cataclysm le dimanche 20 mars au Club Soda. Accept le 17 avril au Club Soda également. Sepultura au Club Soda également. Ça, c'est le mercredi 20 avril. Ouais, non, c'est pas ça. Destruction. Et en passant, le nouveau Destruction, là, ça risque de promettre. Hein. C'est très bon. Ça risque de promettre. C'est très, très bon. Ben, c'est du Destruction. Là. Ben, c'est pas le band de l'année, là. Non, mais ça rentre. J'ai entendu l'album au complet, puis. Moi aussi, j'ai trouvé ça pas mal bien. Ouais. Donc, Destruction seront au Faux-Fonds électriques le 9 mai. Parce que l'album est sorti le 18 en Europe, puis il sort le 8 ici en Amérique du Nord. C'est vraiment une belle surprise pour moi, Destruction, parce que je me suis déconnecté de Destruction. À l'occasion, je pigeais au hasard dans les dernières affaires que je faisais. J'écoutais les riffs, les pickings, puis d'autres, c'est pas pire. C'est bien. Puis ils m'ont même surpris à quelques endroits avec des petits vocaux clean. Ouais, mais ça, je suis un petit peu moins. Je te dis, t'as pas de goût, là. Puis, si je réussis à te faire aimer le death metal encore plus, peut-être que je ferais quelque chose avec toi. Peut-être, on verra. On va aller en publicité, Sinistros, et après ça, tu nous présentes ta première. Le seul album de cette semaine. C'est ça, parce que, regarde. Ton premier bloc, finalement. Ouais. Voilà, pub. Après la pub. Grand concours musical en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus en sont maintenant à leur 14e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire. Plus de 10 000 $ en prix seront remis aux groupes participants. Inscris ton band dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus. Nombre de places limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Hey, wow, elle est bien bonne ta bière. C'est quoi? Festa Brew. Festa quoi? Festa Brew. Quoi ça? Moi qui l'ai fait. Hey, comment tu fais ça? Tu vas chez 20 bières, 3 rivières, tu choisis un kit, c'est super facile, t'as fait directement chez vous. Ah ouais, c'est cher? Ben non, c'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin. Hey, c'est parfait pour le temps des fêtes pis nos parties, ça! 20 bières, 3 rivières, 5437 Boulevard des Forges, 3 rivières. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Très c'est fou dans vos oreilles. 89 1 1 1 1 So, voilà, 22h03. Et qu'est-ce que tu nous présentes comme album cette semaine? Ben, je vous présente Vride avec leur cinquième parution qui s'appelle Five, ou ben non V, ou ben non 5, comme, appelez-le comme vous voulez, là. c'est vrai, hein? V, 5. Vride, formation norvégienne formée en 2004, qui est formée d'anciens membres de Windir. C'est formée de Sture à la guitare et aux vocaux, Strom à la guitare, de Val à la basse et Steingrim à la batterie. Justement, ils ont tous joué dans Windir, en fin de compte. Hein? Bon, mais ils ont juste changé de nom. Ben, ça ressemble. Ben, c'est parce que le chanteur de Windir, il a eu une mort assez spéciale, lui. Il revenait d'un party ou quelque chose, il était bien chaud, puis il est mort gelé dans un banc de neige. T'es-tu sérieux? Oui. C'est-tu bête comme mort? C'est poche. Ah, c'est pas le premier qui s'arrive. Il s'est fait pogner d'une tempête, j'imagine. Il a voulu traverser un bois, quelque chose, puis il a retrouvé son chemin. Spécial. Horrible. Spécial. Vride, comme je disais, c'est leur cinquième album. Ils ont eu Kraft en 2004, Pitch Black Brigade en 2006, Heikrieg en 2007, Milorg en 2009 et le nouveau V5 ou 5, comme vous voulez, qui vient de paraître le 7 février dernier. Alors, on va y aller avec les quatre premières pièces de l'album. Album qui marque un nouveau départ pour Vride parce qu'ils ont changé un petit peu de style. Ils ont gardé le côté black metal, mais ils l'ont amélioré un petit peu en y ajoutant des passes un peu plus heavy metal avec des solos plus traditionnels, puis des passes un peu plus prog. Il y a même des vocal clean à certains endroits. C'est déroutant au début quand tu es habitué d'entendre ce qu'ils ont fait auparavant. Okay. Mais ça s'écoute très, très bien. Puis je pense que ça va être un très bon album pour 2011. Ça. Ben écoute, il faut que la musique s'éclate. Il faut franchir les frontières. J'imagine qu'un band qui continue à faire pendant 30 ans la même affaire, tu vas venir pour t'écœurer. Moi, je m'écœurerais le premier. Là. Ben, il y en a qui... Non, il y en a qui s'écœurent pas. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Mais regarde, c'est une question de choix. C'est une question d'évolution aussi. C'est une question d'exploration, j'imagine. Allons écouter ça de sa part. Tu nous proposes 5 pièces. 4 pièces? 4 pièces. C'est les 4 premières de l'album. Qui, on va commencer par, je ne sais pas comment le prononcer. Celui-là, c'est Arch ou Arky ou c'est la première pièce. Ben, allons-y. Allons-y. Go!

ça, mon cher Sinistros. C'est bon. C'était la musique de ballet jazz, ça? Oui, bien sûr. La musique de bal. Ah, j'ai trouvé ça vraiment cool. Hein? Ben, il est différent des autres albums. Mais ça reste, tu sais, c'est, moi j'aime bien ça. Ben, j'aime beaucoup les. Les côtés atmosphériques. Oui, les côtés atmosphériques. Un petit peu progressif avec les changements. Oui, ouais. Avec les guides clean, le kit, c'est le fun. Ouais. Ben, c'était Vraid, tiré du dernier album qui a pour titre V ou 5 ou 5 ou appelez-les comme ça vous tente. Il y a un gros V sur la pochette. Oui, effectivement. C'est paru le 7 février dernier. Là, on a entendu les quatre premières pièces de l'album. Alors, en ordre décroissant, on a entendu The Sound of the River, Wolverine Bastards, The Blood Eagle, puis RK. La semaine prochaine, je vais vous présenter My Fatality avec un mini-album et Cold Insanity, deux formations de Sherbrooke que j'ai eu l'occasion de voir samedi dernier. Mm-hmm. Deux excellentes formations qui vont être à surveiller de très, très près. On vous présente ça la semaine prochaine. C'est pas mal le fun, ça, mon cher. C'est pas mal le fun. Je veux juste faire un petit petite parenthèse de cinéma. Je sais pas, Sinistro, si toi, t'es un fan du cinéma des super-héros, Marvel et compagnie. Oui. Bonne nouvelle, parce que au mois de juillet, nous pourrons voir le Capitaine America. Ah! Oui. J'espère que ça va être moins cheapette que ce qui avait sorti au début des années 90. J'espère, parce que c'était assez ça, c'était poche, vraiment merci. Pourri. Ouais. J'ai vu le trailer de Thor. Oui. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, par exemple. Je sais pas. Moi, j'ai vu le trailer, moi aussi. J'ai trouvé que ça avait l'air assez bon. C'est ça, ce serait au mois de mai, je pense. Oui, j'ai bien aimé quand que tu vois les dieux parler, là. Puis, tu sais, écoute, c'est deux personnages. Thor, peut-être un petit peu moins, mais Captain America chez Marvel. Ça m'a marqué beaucoup. Oui, ça devrait être assez bien. Quand j'étais un jeune homme. Ah, ben moi, j'aime encore ça. Hein. Ah, ben moi aussi. Ben, de temps en temps, là. Ah, j'aime encore ça. Je suis encore un gros fan de Marvel. Ça, c'est les deux nouveaux super-héros attendus pour 2011. Ça devrait être vraiment bien. Qui fait Captain America? Je vais te dire ça tout à l'heure. OK. Je vais pouvoir te le dire, effectivement. C'est un acteur dont j'ai pas retenu le nom. Mais je sais qu'éventuellement, j'avais entendu dire qu'il était pour faire un film qui réunissait un paquet de super-héros Avengers. Avengers, ça devrait se faire. Ça doit se faire en 2011. Je crois qu'il y a Hulk là-dedans. T'as Hulk, t'as Spider-Man, t'as Captain America, quel est l'autre déjà? J'ai de la mémoire, je vais aller vérifier là. Mais ça devrait être cool. Justement, pas le week-end dernier, mais l'autre, je me suis fait un festival des trois Spider-Man. C'est vrai? Non, ouais, je trippe au bout là-dessus. Mais c'est mon personnage préféré. Bon, bref, 22h29, on va aller en publicité dans quelques instants. Et tout de suite après la pause publicitaire, nous ne reviendrons pas en ondes parce que j'étais assez parlé. Non, c'est une blague. C'est bien ça. Mais là, tu sembles mettre quelques pièces d'un band québécois. Oui. Ben moi, c'est drôle, j'ai fait un bloc entièrement québécois. On n'aura peut-être pas le temps de tout le mettre, mais on va en avoir quelques... Ah, mais écoute, d'après moi, on va être bon pour en passer une bonne partie. Ben moi, c'est 20 minutes, fait que s'il avait été 29, toi, c'est 12 minutes. Ben pas tout à fait. Là. OK. Ben, c'est trois pièces qui sont tirées du nouveau Neuraxis. Ben c'est québécois, c'est le fun, fait que ça va suivre. Ouais, tout à fait. Ça va être une belle demi-heure québécoise. Certainement, avec Louis Bilodeau et Soirée canadienne. Ben, il fallait pas se le dire, c'était une surprise. Ah, désolé. Formation montréalaise, effectivement, le tiré du dernier album, As Island, qui est paru la semaine dernière sur Prosthetic Records. On va entendre les trois premières pièces. Écoutez, juste trois pièces, j'en conviens, mais on aura le temps au fil des prochaines émissions. Parce qu'il y a juste ça sur l'album. Ben, c'est ça. c'est même pas un hippie, ça. On aura l'occasion de se reprendre au courant des prochaines émissions pour réexplorer encore l'album de Neuraxis. On va entendre respectivement, après la pause publicitaire, la pièce Reptile, qui est la pièce d'ouverture de l'album, suivie de Asylum, que je trouve très bonne, et de Savior and Destroyer. Donc, c'est tout de suite après cette pause publicitaire. Le plus grand concours musical en Mauricie, les Mardis de la Relève du Cambrinus, en sont maintenant à leur 14e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire.

La formation montréalaise Neuraxis et les pièces Savior and Destroyer précédées de Asylum et en ouverture Reptile que l'on retrouve tous les trois pièces d'ouverture, premières trois pièces de l'album Asylum qui est paru il y a une semaine. Sur l'étiquette prosthétique, on se propose d'explorer un peu plus avidement et en détail l'album au cours des prochaines semaines. Donc, Sinistros, comme à l'habitude, c'est à toi qu'il incombe de fermer le chapitre. Ben, on va construire dans le Québec profond. C'est à double sens, ça. C'est une blague, là. OK. J'avais choisi un bloc de 5 pièces, mais on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les passer. Fait que je vais couper dans le vif du sujet. On va y aller avec Voivode, ouais. Formation légendaire québécoise avec la pièce X-Ray Mirror qui est parue en 89 sur Nothing Face. On aura la formation de Québec Bomb Nation avec la pièce Discontent parue en 2009 sur Azmat. Et on terminera avec Insurrection, formation de Gatineau avec la pièce Black and Pages sur le premier album Prologue paru en 2008. Et message, je n'ai toujours pas entendu Fracture. Alors, si vous m'écoutez, exaucez mes prières, parce qu'on n'est pas capable de trouver. D'insurrection? Ouais. Ah, ça va venir. Ils nous oublieront certainement pas. Bon, ben écoute, nous autres, on reviendra pas en onde. Eh non, on termine ça là avec les trois pièces sous-mentionnées. Et si on a deux minutes, peut-être qu'on mettra un petit bout d'Obtenebris avec la pièce Skyfall. On va essayer. On se retrouve la semaine prochaine pour l'édition de réanimation. Et évidemment, moi, ce sera spécial Trash Metal pour Sinistros. Ça va être les albums les mini-albums de Call Insanity et de My Fatality, deux excellentes formations de Sherbrooke. À la semaine prochaine, les tous vous fait foutre bande d'enfoirés de merde. Voivode, X-Ray Mirror. Go!